Salut Charline. Alors, c'est qui l'invité aujourd'hui? C'est Audrey Vernon. Oui, tu sais, elle avait fait un spectacle sur les millionnaires. Ah, bien sûr. Oui. Bah, elle va pas être ennuyée. À France Inter, des millionnaires, il n'y en a pas les masses, à part Patrick Cohen. Ouais, ouais. C'est ça. Bon, et les thèmes? Eh bien, il y a l'idée d'exposition universelle à Paris. Ah, génial. Ouais, moi, j'adore. Bien, j'adore. Ouais. Il est temps de remplacer la Tour Eiffel. Hein. Les échafaudages, ça doit pas rester 100 ans. Hein. C'est ça. Bon. Non, mais c'est quand même fou tout ce que Paris veut organiser. Mais oui, mais c'est génial. Moi, j'adore les JO, l'exposition universelle. Bientôt, ils vont proposer d'accueillir les mondiaux de ski. Oui, bien sûr, au but Chaumont. Au but Chaumont, pourquoi pas? Attends, parce que pour être sûr de décrocher les mondiaux de ski, Anne Hidalgo, elle est capable de financer un tire-fesse. Oui, Anne Hidalgo, elle est espagnole. Peut-être elle pourrait mettre une arène de corrida au milieu des Halles. Ouais, c'est ça. Merci pour le cliché. Oh, en tout cas, pardon, mais moi, j'aime Paris. Il se passe des choses géniales. Le marathon de Paris, c'est génial. Ah, oui. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Pourquoi? Bah, je sais pas, tu veux le mettre où, le marathon de Paris? On peut pas le faire à Bogota. Bah, non. Ce serait pas le marathon de Paris. Ouais, et puis, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas d'arc de triomphe à Bogota. Voilà, bah, c'est pour ça. Pas, ouais. C'est Paris, cela dit, c'est une belle ville pour l'exposition universelle. Ah oui, bah oui, parce que si c'était le Vésinet qui posait sa candidature, bah c'est là, ça, exposition universelle, le Vésinet, c'est nul. Oui, bon, bah en tous les cas, c'est un sujet qui aura soulevé des débats intéressants. Ah oh, bah oui, bah là, ouais, ça me promet. Ça me passionne. Bah là, ça on avance, passionne. On avance. Mais donc, l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées, on peut pas la mettre non plus ailleurs qu'à Paris, c'est voilà. Ça. Voilà, ouais, c'est l'idée. Parce que j'ai regardé, il y a des Champs-Élysées à Champignelles, dans le Gard. Mais sans doute, c'est trop étroit pour que la caravane du Tour passe. Sans doute. C'est ça, ouais, ouais. Bah sinon, il l'aurait fait passer à Champignelles. C'est ce que je me dis. Puis t'aurais demandé de l'organiser aussi. Tu crois? Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui passe l'actualité au mixeur. Et voici les trois informations qu'on va aborder jusqu'à 18h. L'UMP est déboussolée, et nous ça nous fait mal au cœur. Alors elle se tourne vers une valeur sûre, le grand sage devenu l'idole des jeunes, des cadres du parti, Édouard Balladur. Écoutez le grand Schtroumpf, le grand Schtroumpf connaît toutes les formules. Pourquoi Paris veut accueillir l'expo universelle de 2025? Le maire de Neuilly, Jean-Christophe Fromentin, préside le projet de candidature. Et il nous l'explique, il veut offrir à la France la tour Eiffel du 21e siècle. Combien d'allumettes d'après vous pour un ouvrage pareil? 2000. 346 422. Et attendez, c'est pas fini. Combien de tubes de colle? Un supporter a lancé un nouveau chant dans les tribunes du PSG, un chant contre l'augmentation des tarifs d'abonnement au Parc des Princes. Et il est donc interdit de stade. Si le tarif augmente, ce serait chic d'avoir au moins quelques avantages. Un an d'abonnement, on offrait un kebab avec Mouloud. 5 ans d'abonnement, un volleyball avec le nain de Kaira Shopping. Et pour mixer ces infos, je suis accompagnée du DJ de la blague, Alex Vizorek. Mais oui, je suis un petit peu coiffé comme Bob Sinclair. Bonjour Charline. Et autour de la table pour terminer cette semaine, à 17h20, hier soir, il a dit à un jeune chanteur, quand tu chantes, on se croirait au karaoké de Saint-Julien-les-Mimosas. Non, Saint-Julien-Molin-Molette. Ah d'accord, parce que j'ai appelé le karaoké de Saint-Julien-les-Mimosas et les patrons m'ont dit que même chez eux, certaines personnes chantaient mieux. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors de quoi on parle? On va parler d'une chanteuse somptueuse, elle s'appelle Kyrie Christmanson. Elle a fait un album avec le Quatuor Voce. Elle s'inspire des femmes troubadours du 12e siècle, spéciale dédicace à Clara qui est en face de moi. Et son album s'appelle Moderne Ruine, spéciale dédicace à Édouard Balladur. À 17h30, l'homme qui s'est fait tatouer sur son bras sa question fétiche pour être certain de ne pas l'oublier lors des interviews. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites, Guillaume Meurice? Bonjour Alex, bonjour Charlie. Le lancement n'était pas au hasard. Le lancement est très bon car effectivement je suis allé ce matin au salon du tatouage. J'ai rencontré des gens qui avaient des tatouages. C'est le portrait de Frankenstein avec la coiffure d'Elvis. Voilà. Les gens qui se droguent également, bien sûr. À 17h40, celle qui tire l'émission vers le haut. Et c'est pour ça qu'elle a des douleurs dans les lombaires, car elle se plie énormément pour venir nous chercher tellement bas. Bonjour Clara Dupont-Monod. Bonjour Alex. De quoi on parle? Eh bien la Grèce est dans le rouge. Et alors comment est-ce qu'on traduit cette expression en grec? Je ne sais pas. Et ben voilà, justement, j'ai un dictionnaire des expressions imagées européennes. Formidable. Et comme tous les vendredis, avant de partir en week-end, nous écouterons le seul chanteur capable de se cacher entièrement derrière sa guitare, Frédéric Fromm. Nous sommes aussi sur les réseaux asociaux. N'hésitez pas à devenir notre ami imaginaire sur Facebook et à nous parler, même pour de vrai. Dans cette émission, nous sommes accompagnés d'une personne de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous Giscard. Vous prenez vos premiers cours de théâtre en 91. C'est l'année de création du Millionnaire. Vous entrez à Canal+ en 2005, quand Laurence Parisot devient la première femme présidente du MEDEF. Et vous jouez Comment épouser un milliardaire à partir de 2010, l'année où éclate l'affaire Bettencourt. Et vous êtes Audrey Vernon. Oh, bienvenue. Bonjour. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Comment tu le trouves, André Manoukian? Audrey, vous avez l'air tout timide. Ah non, pas du tout, pas du tout. Ça va. J'ai une petite voix. Bonjour, bonjour. Ah voilà. Non, ça n'est que l'échauffement. Nous sommes avec Audrey Vernon. Alors, vous avez 3 spectacles en même temps. Bientôt 4. Ouais. Alors, vous allez nous dire, d'abord, il y a Chagrin d'amour qui est le dernier. Oui. Vous êtes déjà sur scène, parce que j'imagine que le 4e, vous êtes en cours d'écriture. Exactement, c'est Fukushima le 4e. Ah oui ? Avec Xavier Mathieu, au théâtre Lavincennes de Colombes. Fukushima, ouais. Et de quoi s'agit-il alors ? C'est un spectacle sur la catastrophe de Fukushima, et puis une discussion entre le capitalisme que j'incarne, et puis le monde paysan incarné par Xavier Mathieu, donc c'est leur discussion sur ce qui s'est passé, et puis les conséquences. Vous n'allez pas jouer Fukushima sur la péniche dans laquelle vous jouez actuellement ? Parce que sinon, le tsunami va pas résister. Non. On va vous retrouver dans le capital. Parce qu'on se disait aussi, on vous a découvert avec le grand public dans Comment épouser un milliardaire, que vous jouez d'ailleurs bientôt à Bordeaux, ce sera le 11 mars, et puis les 13 et 14 mars à La Rochelle. Vous jouez aussi Marx et Jenny. Vous serez à Chartres 19, 20 et 21 mars. Et puis, entre ces spectacles sur le grand capital, où vous démontez les logiques avec talent, eh bien, il y a Chagrin d'amour, et ça c'est tous les mardis jusqu'au 31 mars à Paris à la Nouvelle Scène. Et là, alors on connaît votre humour militant, et là vous avez envie de nous faire chialer militant ou qu'est-ce que... C'est du capitalisme sentimental peut-être. Non, c'est pas du tout un spectacle qui parle d'économie et tout ça, donc ça change. C'est un spectacle sur l'amour, la rupture, le manque, le deuil. Je m'étais dit qu'il n'y en avait pas, et que c'était vraiment dommage. Personne n'avait fait un one man show sur le deuil. Et on rit et... alors Oui. On réfléchit beaucoup avec Audrey Vernon aussi. Et le côté humour qui fait sens. J'imagine que c'est quand même pas dénué d'humour, Chagrin d'amour. Non, ça va. C'est un personnage en fait de fille qui est en plein chagrin d'amour. Donc du coup, elle est super chiante. Et du coup, elle est drôle. Ah, voilà. Oui, c'est une comédienne qui est censée jouer Phèdre. Et puis, elle n'a pas envie de jouer parce qu'elle a envie de parler de sa rupture. Et il y a son souffleur qui s'appelle Georges et qui essaye de lui faire jouer la pièce. Mais attendez, ça veut dire qu'il y a des filles pas chiantes hors d'un chagrin d'amour ? J'ai jamais rencontré. Voici notre élément progressiste. À 3 jours de la journée des femmes. Est-ce que c'est particulièrement les femmes fortes qui se laissent détruire par un chagrin d'amour qui vous interpellent ? Vous citez notamment Marilyn ou Valérie Trierweiler dans un style un peu différent. Oui, c'était surtout les interprètes. Ce qui m'a étonnée, c'est que Dalida, Maria Callas, Edith Piaf, Marilyn, alors qu'elles avaient tout, qu'elles étaient adorées du public, qu'elles avaient des carrières merveilleuses, se sont laissées détruire par des chagrins d'amour et elles en sont mortes. Et c'est vraiment ça qui me faisait peur, c'est de me dire, mais comment c'est possible qu'un simple chagrin d'amour puisse donner envie de mourir à des personnes qui ont tant d'amour à côté de ça et qui font le métier qu'elles adorent et tout. C'était vraiment ça qui me faisait très très peur, de me dire, mais comment un chagrin d'amour peut amener si vite à la mort ? Et en faire un spectacle, c'est une thérapie aussi pour le public et pour soi-même ? Je crois que le public... D'ailleurs, il y a des gens qui viennent plusieurs fois. Je crois que les gens en chagrin d'amour viennent plusieurs fois. C'est vrai ? Mais oui, je pense que c'est un spectacle. Si vous êtes vraiment au fond du trou, que vous avez envie de mourir, venez. Venez parce que c'est la Nouvelle Scène, vous pouvez vous jeter dedans après. Exactement. Voilà, en tout cas, c'est tous les mardis jusqu'au 31 mars. Et puis, il y a toujours Comment épouser un milliardaire et Marx et Jenny, qui là, c'est l'histoire de Karl Marx et de Jenny et d'un enfant caché, c'est ça ? Oui, c'est l'histoire de Marx, de Jenny, de l'amitié avec Engels. Et Marx a eu un enfant avec sa bonne qui s'appelle Hélène Demuth. Et il a demandé à Engels de se faire passer pour le père de son enfant. Donc, il a un peu fait un enfant à son meilleur ami. Et ce qui est très beau, c'est l'histoire d'amitié entre les 4 personnages, l'écriture du capital. Et à la fin... Jenny, Marx et la bonne Hélène Demuth sont, à la demande de Jenny Marx, enterrés tous les 3 ensemble. Donc c'est vraiment cette histoire d'amour et d'amitié très forte à 4 que j'ai envie de raconter, parce que tout est beau du début à la fin et on sent que la lutte les tient et leur permet de vivre une vie assez magnifique. Et voilà, et donc si vous voulez, c'est une forme de catharsis, hein, si vous voulez vous faire du bien, alors pour exorciser ou le grand capital ou le chagrin d'amour, l'adresse c'est Audrey Vernon. Et pour vous, dans Si tu écoutes, j'annule tout, jusqu'à 18h, tiens pour vous, A Girl Like You. Et puis voilà. C'est pour vous, musique quoi. Song from days of yore. A Girl Like You, Edwin Collins, sur France Inter, avec autour de cette table... Eh bien, André Manoukian, Clara Dupont-Mono et Guillaume Meurice. Je me réjouis de ce petit bonbon qu'il va nous offrir. Il a été au Salon du Tatouage. Et notre invité, c'est Audrey Vernon, qui est avec nous jusqu'à 18h et que vous pouvez voir notamment dans Chagrin d'amour, tous les mardis jusqu'au 31 mars à Paris, à la Nouvelle Scène. Et puis, vous allez tourner avec Chagrin d'amour, Audrey Vernon. Oui. Et puis, en fait, c'est prolongé, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est jusqu'à fin juin à la Nouvelle Scène. Attendez, je corrige sur ma fiche. Illico presto. Vous êtes dans votre émission depuis 15 minutes et déjà ça prolonge. Excusez-moi, mais... Donc c'est prescripteur, même, mais oui, c'est prescripteur. Et à la fin de cette émission, je vous rappelle qu'on retrouvera Frédéric Fromet. Mais là, tout de suite, Alex, c'est le moment d'une revue de presse à deux voix. Charline Vanhoenacker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Claude Guéant est en garde à vue. Ah, et ? Bah, c'est marrant. Youpi ! Très bien, merci. C'est normal, non ? Enfin, je sais pas, il y a un moment, ça devait arriver. Quoi. Ça me rappelle une blague, je vous la raconterai tout à l'heure. D'accord. Sur votre garde à vue ? Ouais. Non, la savonnette ? Non, l'idée, c'est de le dire plusieurs fois parce que c'est réjouissant. D'accord. Claude Guéant est en garde à vue. Youpi ! Ah bon ? C'est marrant. Jean-François Copé a ouvert un blog. Ah, et ça, c'est marrant aussi, je suppose. Ah non, là, c'est très marrant. Ah oui, c'est vrai. Pardon, j'ai été sur le blog qui est titré Jean-François Copé, un sursaut français. Ah ouais, quand même. Il doute de rien, le mec. Il doute de rien. Et le premier post, c'est pourquoi ce blog ? Post qui commence par ces mots. En juin 2014, je me suis demandé si je devais tout arrêter. Et heureusement pour nous, il a choisi de continuer. Jeff, dis-toi une chose, tu as... Et oui, je crois que Goldman, il l'a écrit pour l'UNT. C'est genre... Encore un peu de droit pour les restos, c'est mon cadeau. Mais oui, mais ça reste dans la tête. Mais oui, mais c'est comme ça. Bon, c'est allez, comme on ça. Se dirige du côté de la Côte d'Or. Oui, où le maire de Bretenières a décidé de personnaliser la prévention routière. Il a constaté que le message demandant de ralentir au milieu de son village n'était pas efficace. Résultat, il a refait le panneau que voici. Je vous le lis, il reste encore des enfants à écraser, vous pouvez accélérer. Et il dit que ce second degré fonctionne mieux. Et donc oui, voilà. Oui. Il en témoigne d'ailleurs dans les journaux ce matin, si vous voulez réécouter à 7h et à 9h. Une infoculture à présent. Oui, Le Monde nous apprend que la perche à selfie, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est une espèce de grande tige au bout duquel vous mettez votre téléphone et qui permet de prendre des selfies, mais de plus loin, est bannie du château de Versailles et c'est le cas de plus en plus dans les musées. Ah, et vous savez pourquoi ? Oui, apparemment c'est une demande qui vient du Louvre, ce serait la Vénus de Milo, qui n'aime pas du tout ça, parce qu'évidemment, elle ne peut pas le faire. D'accord. La jalousie, quoi. Voilà, la jalousie, ouais. Exactement. Merci pour cette investigation, Alex. De rien. Vous vouliez faire un clin d'œil à notre ami Patrick Peloux, qui était hier dans la boîte à questions du Grand Journal. Oui, un petit son sympathique. Il était avec Marina Carrère d'Encausse, si vous connaissez le principe, c'est-à-dire qu'ils lisent la question et puis ils y répondent. L'objet le plus improbable qui s'est retrouvé par hasard. Moi, vrai de vrai, c'est un Rubik's Cube quand même. Un Rubik's Cube ? Ouais, un Rubik's Cube. Ils étaient assis dessus sans faire exprès. Oui, ils ont toujours glissé. Non, mais de toute façon, ils ont toujours glissé. On ne peut pas leur en vouloir. Patrick est docteur, hein, oui. C'est des vraies infos de docteur. Voilà. Bon, bah écoutez. Ou sans surprise. Ça, c'est étonnant. Et on termine c'est par étonnant. Claude Berda. Surtout qu'on se fait tous l'image, là. Oui, mais on ne sait pas s'il est ressorti fini, le Rubik's Cube. Oui, Claude Berda. Claude Berda, c'est le fondateur et le président d'AB Productions. Hein, il produisait Premier Baiser, L'année les garçons, Le miel et les abeilles. Eh bien, il a quitté la Suisse pour venir s'installer à Bruxelles. Et donc, Le Premier Baiser, c'est une fois encore le contribuable français. Ah ouais. Sinon, c'était quoi la première nouvelle, Alex ? La première... Oui ! Claude Guéant est en garde à vue ! Bon, et dites-moi, Alex, Hélène et Nicolas vont donc être produits en Belgique, oui, désormais. Bah comme Claude Berda est à Bruxelles, Hélène et Nicolas seront produits en Belgique, premier épisode. Ah oui, d'accord. Dis, Hélène, ça va ? Tu sais, cri-cri d'amour ? On voudrait boire une gueuse. Bah, non, je sais pas, Nicolas, hein, mais moi, j'attends Johanna pour aller à la baraque à frites. Hein. Chouette, dis, Hélène, c'est que t'as mon goût. Eh, allez, arrête un vieux. Si, je te jure, tu veux que je t'emmène avec le zout manger des poules ce week-end ? Non mais arrête, tu m'excites quoi. Et t'es vraiment mon chou de Bruxelles, tu sais. Et si on n'attendait pas Non, peut-être, on file à la mer du Nord. Le dernier terrain vague. Voilà. C'est aussi une histoire d'amour, Audrey. C'est bien. Mais nous, on peut parce qu'on est belges. Voilà. On peut faire l'accent. On peut le faire. On aurait pu le faire à l'accent liégeois aussi. C'est quoi la différence ? Fait, non, hein, je sais pas, Nicolas. Moi, j'entends Johanna pour aller à la baraque à frites. Hein. C'est plus lent, le liégeois. C'est liégeois. Ouais. Et c'est encore moins sexuel, André, le liégeois. Oui. Sauf que, arrête, tu m'excites. Ça marche, voilà. Donc là, on va se ressaisir. C'est vendredi. Et nous sommes sur France Inter, voilà. Et avec Audrey Vernon. Et on a des choses à raconter. Parce que le premier sujet, c'est un très très beau sujet. Ça va vous surprendre, Audrey, attention. Les cadres de l'UMP sont désorientés. Jusque-là, je pense que tout le monde est d'accord. Je voudrais être trop concentré. Ouais, ouais. Il se tourne alors vers le guide suprême, Édouard Balladur. Il se presse pour avoir audience dans ses appartements du 16e arrondissement de Paris. L'audience. C'est Le Point qui raconte ça cette semaine. Je vous conseille l'article, chaleureusement. Parce qu'il y a des règles de savoir-vivre à respecter pour avoir audience chez Édouard Balladur, comme ne pas rire trop fort. Donc c'est foutu pour vous, Alexis. J'ai raté l'audience. Et aussi tenir sa tasse d'une main et la soucoupe dans l'eau. Mais non. Eh oui, s'il y a des règles de savoir-vivre pour aller chez Édouard. Hello les amis! Beaucoup d'entre vous me demandent s'ils peuvent péter dans un palace. Je vous rassure tout de suite. Oui, à condition bien sûr de respecter les règles les plus élémentaires du savoir-vivre. Voilà, je suppose que ça, on ne peut pas faire non plus chez Édouard. Donc, un article paru dans Le Point, et donc je vous lis le titre, Audrey Balladur, la nouvelle idole des jeunes de l'UMP. C'est aussi un titre qui vous interpelle ou c'est nous qui sommes des déviants pervers? Je pense que vous êtes des déviants pervers. Ouais. Je comprends pas. Mais parce que Édouard Balladur, une idole des jeunes cadres UMP, est-ce que c'est rassurant ou c'est inquiétant plutôt? Alors il y a des questions difficiles, attention. Je peux réfléchir et je vous dis. Oui, bien sûr. Audrey, en musique, je vous rassure, c'est pareil. Les jeunes qui sont un peu désorientés vont chercher dans les vieux chanteurs pour avoir de l'inspiration. Peut-être que c'est un mouvement comme ça. Chevalier, chez Bob Dylan. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous inspirez, Édouard Balladur? C'est quelqu'un qui vous fait un peu rire? Vous le trouvez tellement coinsouille qu'il est révélateur de quelque chose ou Je ne m'y connais pas du tout en Édouard Balladur. C'est parce qu'il n'est pas assez riche, peut-être. C'est-à-dire que les hommes politiques ont tellement peu de pouvoir ou d'envie d'avoir le pouvoir ou d'envie de changer le monde que du coup ils me passionnent pas. Moi, les hommes politiques que j'aime bien, c'est Victor Hugo, c'est des hommes politiques qui se disaient ça sert à rien d'avoir le pouvoir si c'est pas pour changer le monde et qu'il y ait plus de pauvres et tout ça. Donc là, c'est vrai que ceux de maintenant, j'ai du mal à mais à voilà une idée. Donc plutôt, alors vous savez, il y a François Fillon, Gérald Darmanin qui vont voir Balladur pour être conseillers et ils sont vachement bien conseillés, on l'a vu ces derniers jours. Donc plutôt que d'aller voir Édouard Balladur, vous conseilleriez sans doute au cadre de l'UMP et aux jeunes de relire qui notamment Victor Hugo, j'imagine. Ah oui, mais de lire. Par exemple, Victor Hugo, le fameux discours à l'Assemblée qui s'appelle « Détruire la misère » et où il explique aux députés que tant qu'ils n'ont pas éradiqué la misère, qui est une misère humaine, qui est une quelque chose de uniquement humain et qui n'est pas un coup du sort, tant qu'ils n'ont pas éradiqué la misère, ils n'ont rien fait. Et c'est cette harangue de Victor Hugo à l'Assemblée est très très belle. Donc c'est vraiment la chose que je leur conseillerais de relire, surtout aujourd'hui, vu l'accroissement des inégalités et puis la misère qu'on voit partout. D'ailleurs, justement, vous avez fustigé les millionnaires. Là, vous nous dites que les politiques... Les milliardaires. Non, les milliardaires. Ah ouais. Mais même les millionnaires ne sont pas très, très mais sympas. Mais non, les millionnaires, c'est des pauvres. Ah pardon, excusez-moi. Et là, vous fustigez. Des indigents, comme dirait l'autre. Qui alors, aujourd'hui, sur cette terre, tente de changer le monde? Ben, Tsipras, quand même, il a l'air d'essayer. En tout cas, il essaie et puis... Et Varoufakis. Il tente quelque chose, c'est-à-dire qu'il décide de taxer les multinationales, de taxer les gens qui ne payent pas d'impôts dans son pays. Donc, il essaie de jouer avec les règles. Il dit que maintenant, on n'a plus le droit de dire Troïka, on dit les institutions européennes. Donc, je trouve ça assez amusant de se dire quelqu'un qui dit « moi, le monde tel qu'il est maintenant, ça ne me plaît pas du tout. Venez, on change tout. » C'est quand même plus rigolo que de se dire... Enfin, quand on pense que les gens parlent actuellement de 2017 et puis qu'on se dit « ça va ressembler à... » quand on était petit. Oui, c'est ça. C'est tellement triste. Exactement. Et de toute façon, Édouard Balladur dit dans Le Point, il en est bien conscient, que les barouins Wauquiez ou Darmanin viennent le voir. Il dit « ce n'est pas pour la richesse de mon verbe ». C'est-à-dire, c'est ça, on voit sa grande modestie. Hein. Ni la richesse de ma pensée qu'ils viennent, c'est surtout parce qu'ils me pensent proche de Nicolas Sarkozy. Et il donne des sous ou pas, Édouard Balladur? Audrey Vernon, mais c'est très pertinent ce que vous dites, parce qu'il y a peut-être de l'abus de faiblesse et on n'est pas au courant. D'accord. Mais oui, peut-être, il a 85 ans, s'il a, je sais pas, il faut qu'il vérifie son mobilier Louis XVI, parce qu'il y a peut-être des trucs qui ont disparu. Vous n'avez aucun respect pour les anciens. Mais on retient votre conseil, et c'est vrai, on serait plus que conseiller à nos politiciens de relire et de prendre le temps de lire Victor Hugo plutôt que d'aller chez Balladur. Je voudrais juste dire une chose à André avant qu'il commence ses chroniques. Claude Guéant est en garde à vue. Ah bon? Oui. Ah, sur cette bonne nouvelle, André Manoukian, c'est à vous. Allez, c'est parti, un peu de musique. Elle s'appelle Kyrie Christmanson. Elle est canadienne. Elle s'est prise de passion pour une musique qu'on jouait en France au XIIe et au XIIIe siècle. Savez-vous que dans le monde occitan, il y avait des femmes troubadours? C'est pas vous que je vais apprendre ça, Clara. Et on les appelait Les Troubadourites. Elles sont remarquables. C'était finalement les premières femmes compositrices de l'histoire de la musique occidentale et surtout les premières à chanter le répertoire de l'amour profane. En Languedoc. En Languedoc, exactement. C'est-à-dire qu'auparavant, on se cachait derrière l'amour de Dieu pour exprimer son amour. On utilisait des métaphores divines. On détournait ses pulsions vers Dieu. Ça s'appelle la sublimation. C'est un peu ce que vous faites, Alex, avec Clara. Vous sublimez, puis après vous astiquez. Mais l'exemple de sublimation et de déguisement divin, d'amour charnel, le plus beau, le plus sublime, le plus grand détournement d'amour, il est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il s'appelle exactement le Cantique des Cantiques. Je vous en lis quelques lignes. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade. Tes deux seins sont comme deux fans. Comme les jumeaux d'une gazelle, je tiens la main de Charline. C'est pour ça qu'il pèse au milieu des lys. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Des jets forment un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents. Mangez à buvez, enivrez-vous d'amour. C'est quand même incroyable. Ça a été mis dans la Bible au 1er siècle. Il y a eu un gros débat. Est-ce qu'on doit le mettre? Est-ce qu'on ne doit pas le mettre? Et finalement, on a décidé que c'était une métaphore de l'amour entre Dieu et son peuple Israël. Il est récité lors de la Pâque juive. Pareil dans la religion musulmane, les chants soufis ne sont rien d'autre que des poèmes débordant d'amour et de sensualité sur les thèmes de l'amant, sur la nostalgie de la séparation aussi, Audrey, sur l'ivresse spirituelle. On peut donner libre cours à toute sa sensualité pourvu que Dieu en soit l'inspiration et la destination. Et ben voilà, nos Troubadourites, pour la première fois, elles vont déclarer crûment ce qu'elles ressentent à propos des hommes. Elles vont parler de l'extase de la chair et non plus du Saint-Esprit, du plaisir que leur procure une langue qui les fouille, d'extase sexuelle et non plus mystique. Elles sont les premières femmes libérées, les premières femmes rock'n'roll du monde occidental. Problème, elles chantaient dans les lieux qui étaient privés et leurs chansons se transmettaient uniquement par voie orale, si je puis dire. Les traces sont donc minces. Il ne reste de ce répertoire magnifique qui a eu cours pendant plus d'un siècle qu'une seule mélodie et quelques textes. Ça ne s'est pas installé dans la mémoire collective. Alors Kiri, qui est né au Canada, dans l'austère province du Saskatchewan, où les pierres n'ont pas d'histoire, fasciné par nos ruines d'Europe, s'est penché sur ces histoires et les a reconstituées. Elle a d'abord fait une thèse, et puis elle a décidé de reprendre le travail des Troubadourites, là où l'Inquisition probablement l'avait arrêté. La fameuse flèche de Nietzsche. Quand une idée retombe, il y a toujours quelqu'un qui vient pour la lancer plus loin dans la même direction. Il aura fallu attendre 8 siècles. Elle s'est entourée du quatuor voce. C'est un quatuor à cordes classique qui aime faire des incursions dans la pop. Un quatuor qui est magnifiquement arrangé par Clément Ducol, l'arrangeur de Camille, avec un travail sur les timbres remarquable. C'est des cordes qui sont derrière, mais écoutez, on dirait carrément des voix. Ils font sonner les harmoniques. Alors, avec une grande licence artistique, Kyrie Chrismanson, ça veut dire... Alors, je traduis Kyrie Chrismanson. Kiri, c'est son prénom, Chrismanson, c'est son nom. Et ça veut dire Dieu Christ ayez pitié de l'homme. Ses parents ne sont pas du tout croyants, mais ils trouvaient que ça sonnait bien. Bref, elle a rempli les trous. À partir de fragments, elle a réinventé des musiques sur des textes retrouvés en gardant une seule chose en tête, rester fidèle à l'esprit libre de ces femmes formidables, les Troubadourites. Donc Clara et vous aussi, Charline, vous êtes un peu descendantes à votre manière. Without a body for me into your city. Don't let me be an exile. I said, talk to me. A man without an arm, and I'm cut off from the creature, from the city of your body. Won't you talk to me? Talk to me. shit, please. And I'll be good, and you'll be good. And I'll live for you if you'll live for me. You should talk to me, talk to me, talk to me. Kyrie Chris Manson chante Talk, et c'est une découverte que nous venons faire grâce à André Manoukian. Vous êtes sur France Inter, il est 17h36, nous sommes en compagnie d'Audrey Vernon, que vous pouvez voir, revoir dans Comment épouser un milliardaire, par exemple, le 11 mars à Bordeaux, les 13 et 14 mars à La Rochelle, ou Marx et Jenny, 19, 20, 21 mars à Chartres, ou Chagrin d'amour, tous les mardis à la Nouvelle Scène. Tiens, cette émission à la technique Jean-Philippe Jeanne, Sandrine Laurent, alors qu'ils ne sont que deux, et Conan Guyenne à la réalisation. J'adore cette blague. Bravo. On est ensemble jusqu'à 18h et c'est le moment du reportage de Guillaume Meurice. C'est le moment du reportage de Guillaume Meurice. C'est ça. Vous êtes tatoué, vous, Guillaume ? Oui, pas encore. Non, pas encore. Non. Je suis tamoué. Voilà, c'est ça que vous attendiez de moi ? D'accord. Non, comme ça, elle est faite. Audrey, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Hein, si le tatouage vous intéresse ou la méthode d'investigation de Guillaume Meurice vous interpelle, n'hésitez pas. Bon, alors avant tout, je voudrais m'adresser à Alex et André, hein, puisque vous n'arrivez pas à conclure avec Clara. J'ai décidé aujourd'hui de tenter ma chance. Alors, Clara, elle aime les mecs du Moyen-Âge, hein, des chevaliers qui partent pour des croisades au long cours à travers le monde. Bref, des mecs qui puent, qui fracassent des crânes à coups d'épée et qui pillent des villages. Bref, Clara, elle aime les gros bourrins. Dommage, le salon de l'agriculture, c'était la semaine dernière. Mais coup de bol, aujourd'hui s'ouvrait le salon du tatouage à Paris. Et c'est vrai qu'un bon tatouage, ça peut faire très vite de bourrin, on est d'accord avec ça. Mais il me fallait quand même un aspect moyenâgeux. Et deuxième coup de chance, j'ai rencontré un artiste tatoueur spécialisé dans les vitraux. Il s'appelle Michael de Poissy. Qu'est-ce qu'il avait à me proposer ? Le roi de France avec des grands bois de serre comme ça. Ça va lui plaire, ça. Vous pensez ? Ah ouais, elle est fan. Bon, on est parti alors. Par contre, il y a un problème, c'est qu'elle est fan aussi de Jean-Jacques Goldman. Est-ce qu'il y a moyen de l'intégrer dans le vitrail ou pas ? Ah, on peut faire le roi de France avec la tête de Jean-Jacques Goldman, hein, c'est pas un problème. Mais il a pas des petits problèmes, Jean-Jacques Goldman, en ce moment ? Ah ouais, exact. Il a des problèmes, Jean-Jacques. Bon, j'ai pas envie de faire un tatouage polémique. J'ai juste envie de vous plaire, Clara. Je nous imagine déjà tous les deux, main dans la main, à un meeting de votre ami Pierre Gattaz. On va être heureux, Clara. Mais bon, c'est pas gagné. J'ai toujours pas de tatouage Moyen-Âge. Bon, j'avais une autre idée. Je suis allé voir une tatoueuse. Un tatouage avec la tête de Christine Boutin, est-ce que vous pensez que ça pourrait correspondre ? Non, pas du tout. Si je vous le demande, vous le faites ou pas ? Ça dépend. Ah, ça dépend de quoi ? Ça dépend de ce que vous voulez exactement, parce que je sais pas encore tout faire. Vous savez pas dessiner Christine Boutin ? Non. Ah, dommage, ça aurait fait bien Moyen-Âge. Mais bon, vous vous dites évidemment, hein, c'est spécial comme demande, elle n'est peut-être pas spécialisée dans l'art abstrait, mais attendez, quand on est tatoueur, il faut savoir tout faire, allons en voir un autre. C'est quoi la demande la plus insolite qu'on vous ait faite ? La rose du PS sur le cul. Quoi ? Ah d'accord, c'était un déçu du socialisme ? Non du tout, convaincu. Convaincu du socialisme ? Mais non. Avec une rose sur le cul, mais oui. Mais non. Mais si, je vous promets, comme ça il peut s'asseoir sur le PS. Voilà, il peut s'asseoir dessus comme les promesses de son parti. C'est cohérent, oui. Ça se trouve c'était même François Hollande, hein, personne en question. Autre demande insolite. Bon, en tout cas celle dont je me souviens, c'est la semaine dernière, une cliente qui veut se faire tatouer juste au-dessus du pubis à table. Donc vous l'avez fait. On va le faire, ouais. C'est sympa, ça, comme demande. C'est drôle. Bon, alors attention, c'est sympa à 20 c'est ans. C'est sympa à 20 ans. À 85 ans, hein, je sais pas si on aura encore envie de mettre le couvert. Mais bon, ça peut être vite sordide, un tatouage. Autre exemple de demande. Cupcake en forme de merde. Ah ouais, où ça ? Sur les fesses. Vous l'avez fait ? Ouais, c'est un copain, ouais, j'ai fait. Ouais. Un cupcake en forme de caca. Alors, j'aimerais juste être là quand le mec se dessape pour la première fois devant une nana, hein, qui lui dit « Tu feras pas attention, j'ai un tatouage cupcake en forme de caca sur les fesses, hein. Ça doit être un peu délicat. Bah, » sauf si la nana lui répond « Oh bah c'est pas grave, moi j'ai un tatouage pizza en forme de vomi sur les seins. Bon, » en ce cas-là, on leur souhaite beaucoup de bonheur et d'appétit, bien sûr. À propos de nourriture, j'ai rencontré un homme qui aime se faire tatouer. Tout et n'importe quoi. J'ai un pot de cocoyote et deux saucisses de Montbéliard. Tatoué ? Ouais. Pourquoi ça ? Bah parce que je suis franc-comtois à la base. Ah bah je suis con avec mes questions, moi aussi c'est logique. Hein, t'es franc-comtois, tu te fais tatouer des saucisses et de la cancoyote. T'es marseillais, tu te fais tatouer du pastis, une kalachnikov. T'es parisien, un nuage de pollution et un mec qui fait la gueule dans le métro. C'est logique, mais quand on est tatoué, il faut tout de même faire attention. Il y a un risque de le regretter. Allons voir un autre tatoué. Est-ce qu'il y a un tatouage que vous regrettez ? Bah, la croix gammée sur mon gland. En plus que je suis circoncis, donc ça craint. Voilà, hein, ça c'est quand même du bourrin, ça. Vous êtes contente ou pas, Clara, là ? elle rigole, donc elle est déjà à moitié dans mon lit. Ça, c'est bien. Il y a une immersion à faire. Ah, bah, c'est de l'investigation. Vous m'avez demandé de l'investigation. Ça, c'est un milieu interlope, quoi. Ah, bah, il y a de quoi faire à peu près 15 épisodes, je pense. La réplique est cinglante. Ah, c'est cinglant, c'est cinglant, c'est cinglant. Bon, alors, je suis allé chercher des idées ailleurs auprès d'un mec qui était en train de se faire tatouer le mollet. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous faire tatouer? Alors, là, actuellement, il est en train de me tatouer un aigle derrière le mollet. Avec un volant dans les serres et une petite bougie mécanique entre les ailes en haut. Mais attendez, c'est pas du tout ce qu'il fait, il est en train de vous tatouer le visage de Patrick Bruel. Ah bon, c'est pas grave, je le montrerai à ma mère, elle sera contente. Ouf. Ouf. En même temps, qu'est-ce qu'il est préférable d'avoir sur le mollet? La tête de Patrick Bruel ou un aigle qui tient un volant dans les serres? Je sais pas. Ça fait partie des questions auxquelles il est assez difficile de répondre, comme fromage ou dessert, peste ou choléra, ou est-ce que vous préférez avoir la tête de Charles Pasqua ou l'esprit de synthèse d'André Manoukian? C'est très difficile de répondre à ces questions. Bon, avec ces digressions, j'ai toujours pas d'idée de tatouage pour séduire Clara. D'autres ont des idées, des projets. Sur le pubis, j'aurai une tête d'alien avec le, la langue d'alien sur la verge. C'est vrai? Ouais. À quel moment dans sa vie on se dit, tiens, je vais me faire tatouer le pubis avec une tête d'alien? À côté, t'as plus de place ailleurs. Bah oui, c'est logique, tout a une logique. Bon, moi je suis désolé Clara, j'ai pas d'alien tatoué sur le pubis. C'est une bonne nouvelle. J'ai même pas votre prénom tatoué, parce que je ne vous ai pas sur la peau Clara. Je vous ai dans la peau. Oh là là, Guillaume c'est Meurice, beau, c'est alors beau. Là, c'est la touche d'élégance après quand même. Quantité d'âneries qu'on vient d'entendre. Merci Guillaume. Allez, on est ensemble jusqu'à 18h avec Audrey Vernon. J'espère que vous n'êtes pas trop consternés, que vous voulez bien rester avec nous jusqu'à 18h. Oui. Le sujet 2 de cette émission, hier, la crème des diplomates, des politiques et du CAC 40 était réunie à la Fondation Louis Vuitton. Ils sont venus voir la présentation de la candidature de Paris pour l'Expo Universelle 2025. Une expo donc soutenue par le CAC 40, ça va nous parler ça, les politiques et les diplomates, donc ça ne peut donner que d'excellentes choses. Et dites-moi alors, cette sphère-là, posée sur ce socle... Là, la sphère, c'est le projet que j'avais présenté pour la pyramide Louvre. Ah bon? C'était une pyramide à un seul côté, c'était un projet très intéressant. Mais c'est très original, en tout cas. Mais ça a été refusé. Refusé, ah bon. Là, c'est ça, alors... Oui, là, c'est le projet que j'avais fait pour la géode de la Villette. La Villette, c'est une sphère pyramidale. Bien sûr, c'est évident. Le projet, c'est refusé. Refusé. Voilà, vous aurez reconnu les inconnus, bien sûr, avec les magnifiques projets qui nous attendent peut-être pour l'Expo Universelle, parce que je rappelle que ça permet beaucoup d'infrastructures. Hein. L'ascenseur social, on ne sait pas, on pourra peut-être commencer par là, mais en tout cas des infrastructures. Et là, on a pensé à vous, Audrey Vernon, parce qu'on s'est dit, tiens, il y a toute la crème qui est réunie, donc les politiciens, les diplomates de tous les pays, et le monde économique veut cette Expo 2025, car c'est 6 mois pour montrer ses capacités d'innovation, sa vraie vitrine. Super. C'est formidable. Je savais que ça vous ravirait. C'était à la Fondation Guéry, là, le truc Oui, c'est alors, donc à la Fondation... ouais, tout à fait. La chose que Bernard Arnault a fait la avec chose. Les choses qu'il, oui, a, qu'il aura pu les tatouer sur une fesse. Qu'il a piqué aux contribuables français. Mais exactement. Donc, il défiscalise. Donc, c'est un cadeau qu'il nous fait avec notre propre argent. Voilà. C'est très gentil. Et où il, merci, invite le CAC 40 pour parler de l'Expo Universelle 2025, parce que le changement, c'est demain. Donc, c'est 2025. Le changement climatique, surtout, c'est demain. Donc, prions pour qu'il y ait un 2025. Mais justement, alors, donc on prévoit des JO en 2024, éventuellement aussi une Expo Universelle en 2025. De toute façon, on vit déjà en 2017, mais n'oublions pas la conférence climat de 2015. Donc tout se joue demain, finalement. Aujourd'hui, tout va bien. C'est un peu ça le... C'est bien qu'ils fassent des plans sur la comète comme ça, sans se préoccuper de ce qui se passe maintenant, tant mieux pour eux. Mais j'adore les milliardaires. Je crois que Bernard, cette année, il est 13e sur 7 milliards. Vous l'appelez carrément Bernard. Parce qu'on a eu... Alors, ce qui vous a réjoui, c'est le classement Forbes, évidemment. Nouveau classement Forbes. Alors, ils sont 1826 cette année, 200 de plus que l'année dernière. Et ils ont presque 40% de la richesse mondiale. Et ils sont plus riches que 3,5 milliards de personnes les plus pauvres. Donc je suis super contente. Ah oui, parce que c'est un classement que vous attendez toujours c'est avec... C'est un classement que j'adore, que j'apprends par cœur. Vous choisissez votre futur mari dedans. Exactement. Ouais. Et là, lequel vous séduit le plus? Le premier, j'imagine, celui qui gagne le plus. Bah, c'est le même que l'année dernière, c'est Bill Gates. Je suis un petit peu déçue. Manoukian, il est dans le classement ou pas? Oh, le pauvre, non. Ah non, c'est un indigent à côté. C'est vrai? Non, mais Zara a perdu une place. Il est devenu 4e, monsieur Amancio Ortega. Donc, quand même, Zara, 4e fortune mondiale, c'est un score assez incroyable. Non, mais j'aime bien Zuckerberg, toujours. Il est rentré dans la liste en 2010, il était dans les 200. Et là, il est dans le top 20, donc je suis très contente aussi. pour lui. Très bien. Mais voilà, c'était le petit message d'amour d'Audrey Vernon. Et parce que quand on ne sort pas le classement Forbes, là, c'est le chagrin d'amour. Exactement. Comme tous les mardis à la Nouvelle Scène. À part ça, on est content ou pas que s'il y a l'Expo Universelle à Paris ? Non, on est content. Je pense que. En plus, ça coûte de l'argent. Non, moi je suis content. Moi je suis content. Enfin, cela dit, c'est tout tendu. Vous avez vu le thème de l'Expo Universelle quand même ? Oui, magnifique. Dites-le. Oh là là. Attendez, parce qu'il faut rappeler. C'est un sujet du bac. Au cœur des territoires s'ouvre celui des hommes. Voilà, je ramasse les copies dans 3 heures. Il aurait manqué, j'aurais préféré humanité, virgule, terre de contraste. Non, c'est en 1900, lors de l'exposition universelle de 1900, que Ravel et Jean-Jacques Goldman. Ravel et Debussy découvrent les modes orientaux et tout d'un coup, toute leur musique va changer. Donc, c'était encore des moments où. Et donc, aujourd'hui, ça va être David Guetta et Jean-Jacques Goldman, donc ça va être formidable. On ne sait pas. Allez, Clara Dupont-Mono, vous allez mettre tout le monde d'accord avec la littérature et l'actualité. Et mais oui, Charline, puisque l'actualité, c'est aussi le calendrier noir pour la Grèce, puisque aujourd'hui, vendredi 6 mars, elle doit rembourser 875 millions d'euros de bons du Trésor qui sont détenus par les banques étrangères. Et c'est aussi aujourd'hui, c'est jour noir, qu'il lui faut lâcher 310 millions d'euros au FMI, et lequel attend un second remboursement le 13 mars de 334 millions d'euros, ainsi que les 16 et 20 mars. Alors rien que pour le mois de mars, les remboursements grecs dépassent 6 milliards d'euros. On est juste au mois de mars. Voilà, si le classement Forbes, ici, s'y mettent tous, il y a moyen d'éponger la dette, non ? Oh oui. Mais seulement, ils ne vont pas s'y mettre, hélas. Oh, et alors, en France, on a une expression pour ce genre de situation. On dit être dans le rouge. Ça porte un nom, quand même. Alors, pourquoi le rouge, me demanderez-vous ? Mais oui. Et bien, parce qu'à l'origine, les écritures comptables reportaient les déficits à l'encre rouge. Voilà. Et donc, le rouge est la couleur du sang. D'ailleurs, l'expression « criblé de dette » fait référence à « criblé de balles ». Donc, c'est quelque chose de brutal. On est blessé, on est troué, on est percé, tout comme un panier. Sachez que les Anglais ont choisi l'inverse. Eux, ils disent « to be in the black », ce qui veut dire être rentable, puisqu'on traçait à l'encre noire les colonnes de chiffres bénéficiaires. Donc vous voyez, les Anglais ne connaissent pas être dans le rouge. Tout ça, je le sais grâce à un petit livre réjouissant qui nous l'apprend, érudit et surtout accessible, qui s'appelle « Complètement idiome ». Et c'est un dictionnaire signé Maria Grazzini, qui est multilingue, et qui recense les expressions imagées selon les pays. Et c'est un voyage mais truculent, merveilleux, comme quoi il n'y a pas meilleur moyen qu'une expression pour comprendre un pays. Par exemple, comment on dit être dans le rouge au hasard en Allemagne ? Comment ils disent les Allemands ? À considérer qu'ils connaissent, hein, mais bon. Ils disent... Une rote verdun, je ne sais pas. Alors, vous allez voir. Non, une rote verdun. Non, bien essayé. Ils disent... C'est littéral. En fait, ils disent... Oui, parce que c'est jamais littéral. Oui, ils disent avoir plus de dettes que de cheveux sur la tête. Mehr Schulden als Haare auf dem Kopf haben. Oh, j'adore votre accent. Allez-y encore. Vous avez tous reconnu ici le mot Schulden. Yavol. Car en allemand, le mot Schuld veut dire à la fois dette et culpabilité. Et oui, c'est tiré de l'Ancien Testament où le roi David avoue ses péchés et donc sa dette envers Dieu en disant que ses péchés sont plus nombreux que ses cheveux sur sa tête. Donc, conclusion de Maria Grazzini, en allemand, la dette et la faute sont indissolublement liées, ce qui peut sans doute expliquer l'obstination d'Angela Merkel à se serrer la ceinture comme s'il fallait expier ses prêches pro-austérité. L'austérité, sorte de giga-jeûne national qui permet de s'absoudre de ses fautes. Voilà, amen, mais tout est dit. Alors heureusement, la Grèce a de l'énergie, elle a la pêche, ça c'est le grand amour de la langue française pour l'alimentation. On dit se fendre la poire, on dit avoir la banane, avoir la patate, tandis que les Italiens, eux, ils disent aussi vif qu'un grillon. L'animal imprègne sacrément les expressions européennes, nous rappelle Maria Grazzini. Par exemple, pour désigner le dénuement, les Allemands disent « pauvre comme une souris d'église », c'est-à-dire « Kirchenmaus », on est encore dans le religieux. L'expression danoise « il y a des chouettes dans le marais » signifie « il y a un souci quelque part ». Il y a des chouettes dans le marais. Sans parler de l'expression anglaise qu'on connaît tous, c'est-à-dire « il pleut des chats et des chiens ». La pluie, justement, aucun mot n'a géré une telle compétition en Europe. Les Espagnols, ils parlent de rasmotte, ils disent « il pleut des cruches », cantaros. Les Italiens renchérissent un cran au-dessus, ils disent « il pleut des bassines », catinelle. Les Allemands se la jouent un peu supérieure. Ils ont le sens de la mesure. Ah bah, vous allez voir, et surtout les Allemands, ils disent « il pleut des seaux ». Ah, on a franchi un cap. Mais les Néerlandais, eux, passent une frontière avec « il pleut des briques ». Et à partir de là, c'est open bar. Il pleut. C'est cadeau. Il pleut de la barbe de crapaud, disent les Portugais, barba de sapo. Il tombe des apprentis cordonniers, renchérissent les Danois. Mais ce sont les Norvégiens qui pulvérisent les limites en disant « il pleut des trolls femelles ». Troll Scheringer. Ah, j'aime bien ça. Mais oui, Alex, c'est devenez drôle. Néerlandais, mais... car vous aurez des trolls femelles à défaut de moi. Donc non, je vous assure. Norvégiens, que... vous avez dit. Pas ce sont les. Oui, pardon, les Norvégiens, devenez Norvégiens, non pas Néerlandais. Alors en tout cas, une chose est sûre, c'est que. Nous, on dit Hydrache. Hydrache, ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire Hydrache? Bah, il pleut très très fort. Il pleut très fort. Ouais. Ah, vous voyez le côté pragmatique un peu. Ah bah un peu, oui, pragmatique du Nord. Hein, c'est ça. Alors une chose est sûre, le remboursement de la Grèce ne pourra pas se faire au calende grec, voilà, ça s'est hérité du calendrier antique, qui était découpé en calende, en id et en non. Et là aussi, les calendes grecques mettent le feu aux expressions européennes. Quand il neigera au mois d'août, disent les Albanais, encore raisonnables. À la Saint-Jamais, disent les Allemands, toujours amis de la religion. Quand les grenouilles auront des poils, fantasment les Espagnols. Quand les veaux danseront sur la glace, délire les Néerlandais. C'est eux, cette fois, qui repoussent les limites. Quand le peuplier fera des poires, tempère le poétique roumain. En tout cas, ce livre rend gay comme un pinson. En anglais, on dit gay comme un chien à deux queues. Bah oui, drôle, parce que du coup, il a deux queues, il est très content. Oui, oui. L'allemand est un peu plus calme, il dit heureux aussi. Comme un roi de la neige. Voilà, pour une fois que l'allemand est un peu léger. Ah. En tout cas, ce livre, je vous redonne les références. Complètement idiome de Maria Grazini, c'est paru chez Omnibus. Merci Clara Dupont-Mono. Et voilà plein de formules pour dire qu'on ne va pas payer la dette, etc. Pour nos politiciens, c'est merveilleux. J'espère, Audrey Vernon, vous avez pris note. Oui, parce que là, ça va pouvoir... Il y a de quoi faire. Troisième sujet de cette émission. Un supporter du PSG qui a été exclu du stade pour avoir chanté « Abonnement trop cher, supporter en colère ». Et il risque une interdiction d'accès au stade. Conclusion, dans le stade, on peut chanter « Paris, on t'encule ». Mais on ne peut pas dire « Paris, ton abonnement coûte trop cher ». Ça ne se fait pas, non, non. Un de mes meilleurs titres, c'est « Paris, Paris, on t'encule ». Au départ, moi, j'avais écrit « Paris, Paris, on t'embête ». Il y a ce côté un peu sympa du « Ah, oh, t'es con, Michel, on t'embête, tiens, je t'ai mis une bousculade ». Alors que « Paris, on t'encule », on voit tout de suite l'idée principale du truc. Et c'est « Paris, on t'encule », pas « Je t'encule ». Donc, on est plusieurs. Imaginez plusieurs personnes qui sont dans vos fesses. C'est pas agréable. On est d'accord. Voilà, ça s'est passé pendant le quart de finale de Coupe de France, qui opposait mercredi soir le Paris Saint-Germain à l'AS Monaco. Et Johan Sedic, un jeune supporter parisien, a été exclu du Parc des Princes parce qu'il avait lancé une chanson sur l'abonnement trop cher. Il s'appelle la Sedic, t'amuses. Je me suis fait la réflexion, Johan Sedic. Voilà, alors c'est pas la première fois que les supporters chantent leur mécontentement, mais là ça a pris et donc c'est l'exclusion. Donc on peut pas dire que l'abonnement est trop cher. C'est le capitalisme, ça, on n'a plus le droit de critiquer. C'est vraiment la critique ultime. Maintenant. Tout ça face, j'imagine, à la tribune VIP avec dedans les amis qataris de Nicolas Sarkozy, Leonardo DiCaprio et tous les VIP. Moi, quoi. Je comprends pas pourquoi le Qatar il achète pas des comédiennes. Mais ouais, ce serait génial. Que, mais oui, de jouer avec un petit macaron du Qatar et puis pendant un an, je voilà. Et oui, mais alors, à l'international, des footballeurs et pas des comédiennes. Bah, ils ont déjà engagé un comédien qui fait des conférences à 100 000 boules. C'est vrai. C'est Nicolas Sarkozy. Ouais. Et il rit beaucoup. Il fait des stand-up à travers la planète. C'est vrai qu'il a ouvert la voie. Vous pourriez suivre en fait. On pourrait tous se faire acheter par les conférences. Parce que vous avez déjà fait une conférence. Ça vous est déjà arrivé. Si vous avez raconté dans la presse que vous aviez déjà fait une conférence et que vous aviez fait comme si vous aviez des dossiers, etc. Ça vous arrive, on vous interroge, mais même vous êtes aussi invité sur pas mal de plateaux de télévision pour donner votre point de vue. Ça m'est arrivé deux, trois fois, ouais. Ça, c'est difficile parce que c'est qu'avec des experts qui sont très méchants, très méprisants, très machistes. C'est horrible. J'ai l'impression d'être à l'école et de me faire engueuler par des CPE. Enfin bon. Bref. Mais par qui il s'est fait virer le mec en question? Par la direction, par l'instance qui est chargée de virer les gens. Alors je vais vous dire pourquoi. Donc généralement, il y a le règlement intérieur qui stipule que si vous faites des insultes ou des injures, cela peut provoquer une exclusion. Et donc là, ils ont trouvé une entourloupe. Il est soupçonné d'avoir insulté Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG. Mmh. Or lui dit que dès que c'est pas vrai, donc. D'accord. Parce qu'on serait pas loin des méthodes mafieuses, ça je ne sais pas. Pas de polémique, pas de polémique. Moi j'ai une toute petite question stupide. Je sais pas si vous pourrez répondre. Mais en quoi est-ce qu'il faut un abonnement pour le Paris des Princes, c'est pas une chaîne, le Paris des Princes. Non, non, c'est-à-dire que vous achetez. Quelqu'un lui explique. Voilà. En tant que Marseillaise, je peux t'expliquer, puisque bon, j'ai grandi dans le foot, c'est pour pouvoir aller au stade toutes les semaines et voir tous les matchs. Voilà. Ça, c'est vraiment. Comme voilà. les abonnés au théâtre. C'est coûte moins cher que d'acheter chaque semaine sa place. Et voilà, voilà. Comme chaque semaine, vous vous êtes abonné à Frédéric Fromet, qui vient d'entrer dans ce studio. C'est le troubadour du vendredi. Mais qu'est-ce qu'il va nous chanter ? Eh ben, tout à l'heure, vous évoquiez le classement Forbes. Ah, selon, ça va plaire à notre invité. Selon lequel les milliardaires sont toujours plus riches et plus nombreux. Et moi, je trouve ça super. Toujours plus de milliardaires et des pauvres qui exagèrent. On dira ce qu'on veut des riches, pour le fric, ils sont fortiches. Eux, au moins, ne font pas les poubelles. Ils sont pas toujours en train de se plaindre. Ils ont une hygiène corporelle. Ils sodomisent pas leurs cochons d'Inde. Ils n'ont pas de tatouage de Johnny. Ils n'appellent pas leur fils Dylan. Ils sont pas méchants, ils sont nantis. Ils mettent pas en vente leurs organes. Qui veut mon foie et sa cirrhose ? Toujours plus de milliardaires et des pauvres qui puent la bière. On dira ce qu'on veut des riches, eux le loto ils s'en fichent. Ils ne roupillent pas la bouche ouverte. Ils n'ont pas des camarades lépreux. Ils vont pas au docteur en survette. Ils n'ont pas du gras dans les cheveux. Ils ne vivent pas comme des clochards. Ils ne bouffent pas au resto du cœur. Ils n'apprivoisent pas des cafards. Ils ne prostituent pas leurs petites sœurs. Toujours plus de milliardaires et des pauvres très vulgaires. On dira ce qu'on veut des riches. Eux ne sont pas des caniches. Eux au moins ils ne font pas la manche, s'il vous plaît. Ils n'ont pas de mouche dans leur gamelle. Ils n'ont pas une couille qui les démange. Ils mettent pas leurs gamins au congèle. Ils découpent pas les bons d'achat. Ils crèchent pas dans des cages à lapins. Ils n'ont pas une fausse jambe de bois. Ils n'ont pas un bonnet péruvien. Toujours plus de milliardaires et des pauvres dans des charters. On dira ce qu'on veut des riches. C'est nous qu'on est leur boniche. Merci Frédéric. Merci. Une chanson spéciale dédicace donc à Audrey Vernon. Très jolie, merci. Ça va être un de vos classiques. Hein. On va vous l'offrir pour pouvoir l'écouter en boucle. Car comment épouser un milliardaire ? Vous êtes le 11 mars à Bordeaux, 13 et 14 mars à La Rochelle. Je recommande aussi chaleureusement Marx et Jenny, les 19, 20 et 21 mars à Chartres. Et puis Chagrin d'amour, tous les mardis. Dites donc un agenda de ministre, ouais. Audrey, faites attention. Hein. On peut dire Fukushima aussi. Fukushima bien sûr. En mai avec Xavier Mathieu. Au théâtre, c'est déjà au mois de mai. L'avant-scène de Colombe. Oui. À Colombe. Oui. Très bien. Écoutez, c'est noté. Merci beaucoup, Audrey Vernon. Merci. Merci à toute l'équipe. Merci on se retrouve vous, lundi. Il y a quelqu'un qui dit André Manoukian. Claude Guéant est en garde à vue, en fait. Ah, super. Et lundi, on reçoit Michel Cotta, le mot de la fin pour soutenir l'Expo Universelle 2025 qui doit permettre l'érection de la Tour Eiffel du 21e siècle. Combien d'allumettes, d'après vous, pour un ouvrage pareil ? 2000 ? 346 422. Et attendez, c'est pas fini. Combien de tubes de colle ?